suivante dans l'aspect française, sans intelligence ni tendresse, le groupe de Beatdown savoyard Parjure qui sort son premier album studio, The Uncrowned King, un album de Beatdown très qualitatif. Hein. Et on va s'écouter d'ailleurs le morceau Better Place, pour moi un des titres les plus méchants et violents de cet album. Hein. Pas tant en termes de break ou quoi, mais juste parce que c'est un morceau qui est sur un tempo très soutenu, et dans le Beatdown, c'est forcément paradoxal et ça n'en est que plus efficace. Et ensuite, Proudhon, rappelez-vous de ce groupe de grindes qui nous vient de Besançon. On avait diffusé leur premier EP l'année dernière. Ils sortent là leur premier album studio longue durée. Social, Tympanum, Duality, Record et Inhuman Homicide, c'est les écuries qui proposent ce premier effort studio longue durée pour Proudhon. On s'écoutera le morceau Cholard enchaîné à Malfaiteur Rustique, une doublette dans la doublette donc. Parjure, Proudhon, c'est parti. Oh, Toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble jusqu'à 23h dans cette nouvelle émission en différé. Et on va quitter l'aspect française avec une doublette mi-française, mi-internationale, avec tout d'abord Véhémence, le groupe d'Epic Black Metal. Bon, c'est un peu réducteur de dire ça, parce qu'il y a pas mal d'éléments, même médiéval black. Voilà, la formation sort son troisième album studio, 8 titres pour une bonne heure de musique. Voilà, toujours des textes en français, des compos ultra épiques et bien chiadés. Une sortie sur le label Antique Record, une fois de plus, pour Véhémence. L'album s'intitule Ordalise, on s'écoutera le morceau 1 contre 1000, et ensuite les Allemands de Dolch, que l'on retrouvera à Tours le mercredi 6 avril, dans quelques semaines, non, 2 semaines donc. Ils sortent leur nouvel album chez Van Records, nouvel album qui s'intitule Nart. Dolch, le groupe allemand qui a évolué musicalement, puisque maintenant on est plus sur une veine musicale goth darkwave. Voilà, la présentation de la nouvelle doublette est faite et on s'écoutera le titre Open pour Dolch et juste avant ça, Véhémence donc. We'll be right back. retour donc à la diff 100% internationale avec une autre doublette de nouveautés. Une autre nouveauté dans la doublette. Voilà, ça va mieux quand on remet les mots dans le bon ordre. Tout d'abord, Brood of Hatred. Ça, c'est la pas nouveauté. Un one-man band tunisien actif depuis une douzaine d'années qui nous propose un death plutôt prog et dissonant, forcément d'inspiration Ulcerate ou autre Gorguts. Troisième album, 8 titres pour 35 minutes, des compos assez brèves et... c'est très rentre-dedans, même si en même temps c'est assez barré en termes d'inspiration death pour Brood of Hatred. Ce nouvel effort studio s'intitule The Golden Age, et en doublette Sumerian Tombs avec Brood of Hatred. Donc Sumerian Tombs, c'est une nouveauté par contre, une autre formation de black allemand. Ils sortent là leur premier album studio longue durée chez Van Records après deux démos ces dernières années. Là par contre on est sur du black plutôt atmosphérique, il y a même quelques claviers en support, même si globalement ça reste assez rugueux et notamment un chant très arche. Voilà, musicalement en termes d'ambiance c'est assez riche, avec des passages un peu plus lancinants, limite incantatoires, et d'autres moments bien épiques où ça tabasse. Voilà donc pour Sumerian Tombs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on s'écoutera le morceau Tomb Lurker, extrait de l'album éponyme de Sumerian Tombs, et juste avant ça, Brood of Hatred avec le morceau Self-Destruction. C'est parti! Rise! C'est déjà l'avant-dernière doublette pour l'émission d'aujourd'hui. Hein. On est encore ensemble jusqu'à 23h dans cette nouvelle émission Hellbanger sur les ondes du 93.6. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ensuite ? Eh bien, une doublette bien crasse avec tout d'abord Abraham, formation post-sludge d'inspiration Cult of Luna. Abraham, c'est une formation suisse. Ils sortent là leur nouvel effort studio Débris de Monde Perdu. Donc voilà, comme je disais, musicalement, ça se rapproche forcément d'un Cult of Luna. C'est cependant un peu plus frontal et même rugueux. Et il faut noter la particularité, c'est un batteur-chanteur qui mène la formation suisse. Et ensuite, Death Chasm, un groupe de death qui nous vient d'Italie, assez old school et dégoulinant. Ils sortent là un EP 4 titres, et c'est une chanteuse-guitariste qui tient la dragée haute dans Death Chasm. On s'écoutera le titre Celestial Funeral pour Abraham et Spawn in Desolation, signé Death Chasm. C'est parti. Et ça va déjà être l'heure de se quitter pour ce soir avec la toute dernière doublette dans l'émission d'aujourd'hui. Ultra Sylvam, trio suédois de black metal, existant depuis 2015. Ils sortent là leur second album studio. 8 titres pour un petit peu moins de 32 minutes d'un black très typé années 90 sauce suédoise. C'est rao, c'est décalé, sans pour autant que ça soit une espèce de bouillie sonore, et on retrouve même des petites leads assez mélodiques, ce qui permet d'aérer l'ensemble, hein, des lignes assez heavy dans les inspirations. Ultra Sylvam, ce nouvel effort studio s'intitule The Sanctity of Death, et pour clôturer avec Ultra Sylvam, on s'écoutera Devoured Elysium, groupe de slamcore, comme ils se définissent, hein, d'inspiration Internal Bleeding. Ils sortent là leur nouvel effort studio. La formation, je crois que je l'ai déjà dit, nous vient de Turquie. Le nouvel album s'intitule Void Grave, une sortie Gorehouse Production. Ultra Sylvam, le morceau Foreign Telson, Devoured Elysium. On va se quitter avec le titre que l'on va s'écouter, Oracle. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous à dimanche prochain. Ciao, ciao.